une bourse qui fit à l'écolier une grosse bosse au front, et dont Jehan s'en alla, à la fois fâché et content, comme un chien qu'on lapiderait, avec des os à moelle.